18h et vous écoutez CKRL au 89.1. On va faire maintenant un saut dans l'univers. Alors, j'hésite à dire si c'est l'univers culinaire ou l'univers anthropologique. Ça va être à vous d'en juger. Et c'est Clémence qui va nous faire ce saut. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, d'abord, tu commences par nous proposer une recette un peu spéciale. Alors voilà, une petite recette ce soir. Donc, pour 6 à 8 personnes, dans une casserole, mélangez 2 tasses de concentré de tomate sous forme de ketchup, 1 quart de tasse de vinaigre, 1 quart de tasse d'huile végétale, 1 oignon, 3 gousses d'ail, de la poudre de piment rouge, 2 cuillères de moutarde, 3 cuillères de vodka, tout ça avec une cuisse, 2 avant-bras et 2 poitrines de femme. Mettre à chauffer tout en remuant toutes les 20 à 30 secondes pendant la cuisson. Alors j'en rigole un peu, mais cette recette... Oui, parce que j'ai cru entendre deux poitrines de femme, cuisse, avant-bras. Une cuisse, 2 avant-bras, 2 poitrines. Ouais. Donc j'en rigole, mais c'est une recette qui a vraiment été faite en 1991 et qui a été proposée, qui a été envoyée à des chefs cuisiniers par le cannibale Otis Toole. Mmh. Donc ça a été envoyé à un chef cuisinier. Alors c'est quand même, effectivement, c'est assez horrible, mais alors pourquoi ce cannibalisme ? Alors le cannibalisme, en général, a de nombreuses raisons, mais avant je voulais un peu faire une distinction. Quand on parle de cannibalisme, des fois on parle aussi d'anthropophagie. Donc la différence entre l'anthropophagie, c'est qu'elle se limite aux êtres humains qui mangent d'autres êtres humains. Ouais. Ou d'autres bouts d'êtres humains en tout cas. Ouais. Par contre, quand on parle de cannibalisme, on peut aussi parler du cannibalisme animal. Donc c'est ça la distinction. Que les animaux qui se mangent entre eux aussi. Se mangent entre eux. Ça, c'est pas limité à l'espèce humaine, le cannibalisme. D'accord, ouais. D'accord. Donc, est-ce que c'est un phénomène courant, en fait ? Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, c'est un phénomène qui a toujours eu lieu à toutes les époques et sur tous les continents. Donc, il y a des scientifiques qui ont trouvé des cas d'anthropophagie dès la préhistoire. Il y a eu des débats sur est-ce que c'était rituel, est-ce que c'était par nécessité. En tout cas, ils ont trouvé des cas. Puis, en 1950, j'ai trouvé un chiffre. Actuellement, c'est difficile d'avoir des chiffres un petit peu, mais en 1950, sur Terre, il y a un scientifique qui avait calculé qu'il y avait environ encore 3 millions de cannibales. Donc, et sans compter le cas de cannibales occasionnels. Et actuellement, donc, il y aurait encore des cas de cannibalisme régulier en Sierra Leone, au Liberia, en Océanie, puis aussi au Brésil, en Chine ou en Russie. Et tout ça, c'est selon le livre de Martin Monestier, qui est sorti en 2000, ouais. Puis qui est un journaliste qui a fait une longue enquête sur le cannibalisme. Donc là, en 1950, il y avait 3 millions. C'est oui. Quelque chose qui nous surprend un petit peu, parce que c'est, dans notre société, c'est à peu près révolu, on va dire, dans notre société à nous, en tout cas au Canada, c'est à peu près révolu. Mais là, je vois que c'est peut-être dans des populations, c'est peut-être des éléments culturels, c'est peut-être différent. Qu'est-ce qui peut faire que les gens en arrivent à manger leurs semblables ? Il peut y avoir plein de raisons différentes. Donc tout d'abord, la faim, la raison qui nous paraît le plus logique d'instinct comme ça. Mais aussi, donc, ça peut être les guerres par vengeance, par curiosité. Mais aussi, dans le livre, ça parle d'amour ou de folie. Ah. C'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant, c'est que ça peut venir de plein de facteurs différents. Donc ça touche à l'anthropologie tout d'abord, mais aussi la sociologie, la médecine, parce qu'il y a du cannibalisme pour les soins, pour se soigner, mais aussi la psychologie, puis la criminalité bien sûr. Ouais, mais tu disais, je pense dans ton énumération, tu as dit que ça pouvait aussi être par amour. Oui, c'est un peu surprenant, mais par exemple en Inde, la tribu des Gondes, et mangent leurs parents une fois, enfin manger en tout cas, j'ai pas pu vérifier si ça se faisait encore, mais manger leurs parents une fois qu'ils étaient décédés pour pas qu'ils pourrissent en terre. Donc c'était un peu une façon de les sauver leur âme pour pas les laisser De continuer un cycle un petit peu. C'est ça, prendre leur corps pour. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas juger là, avec nous nos valeurs dans notre société. Il y a peut-être d'autres façons de penser qui font voir les choses d'un autre point de vue. Exactement. Faut être prudent. Puis il y a aussi d'autres formes de cannibalisme, donc le cannibalisme alimentaire, le cannibalisme guerrier, juridique ou pathologique. Puis ça se pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des pratiques de cannibalisme depuis la nuit des temps pour se soigner. Donc si je parle du cannibalisme de subsistance, c'est celui qui est le plus accepté en tout cas en regard de l'extérieur, en regard occidental. Donc par nécessité, en cas de survie, donc on n'a pas le choix, c'est soit on mange quelqu'un qui est décédé, soit on meurt. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Donc, par exemple, en 1919, il y a une grande famine en Ukraine. Et donc, il y a eu des cas de cannibalisme à tester. Puis, il y a aussi, au niveau des sièges dans l'histoire, par exemple à Paris ou à La Rochelle, en France, lors des guerres de religion, les gens ont été obligés de manger leurs semblables pour survivre. Pareil à Stalingrad, donc quand c'était entouré par les Allemands. Puis, il y a eu aussi un cas très connu qui a été très médiatisé. c'est celui de l'écrasement d'un avion en 1972 qui transportait l'équipe des rugbymen uruguayens. Mmh. Donc ils allaient pour une compétition et ils ont eu un accident dans la cordillère des Indes et ils ont réussi à survivre, en tout cas un certain nombre a réussi à survivre pendant 70 jours à moins 40 dans des conditions extrêmes, ouais, parce qu'ils ont mangé les gens qui étaient décédés lors du crash et après. Ouais, c'était une question de survie là. On comprend que dans ce cas-là, en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix s'ils voulaient vivre, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Il y a des cas où le groupe mange un individu après l'avoir condamné, par exemple. Mm-hmm. Donc c'est le cannibalisme juridique. L'individu fait une faute, on le condamne à mort et après on le mange. Donc c'est un cannibalisme judiciaire, pardon. Il y a aussi les cannibalismes rituels qui ont été très présents pendant un certain temps en Amérique du Sud notamment et en Afrique. Donc de croyances, de sorcellerie aussi, pour acquérir la force de celui qu'on mange, mm-hmm, ou accéder à un grand pouvoir. C'est ça, les sorciers faisaient croire que ça pouvait donner de la puissance, puis de la force. Il y a le cannibalisme de guerre aussi, où on mange ses ennemis. Alors ce qui est marrant, c'est que ça peut être par mépris. Le mépris total, on a gagné, on les mange. Mais aussi le contraire. Dans certaines tribus, c'était pour leur témoigner un grand respect. On s'est battu dans l'honneur et maintenant on les mange parce que c'était des bons guerriers aussi. Et d'ailleurs, c'est seulement les guerriers méritants qui étaient mangés. Oui. Et alors, qui mange qui finalement ? Alors, qui mange qui ? Donc, au niveau alimentaire, tout est possible. Dans l'homme, c'est comme le cochon, tout se mange. Apparemment. Donc, en fonction des rites, il y a plusieurs parties qui étaient appréciées, donc en particulier la cervelle, le cœur, puis les parties génitales aussi. Et dans les cérémonies rituelles, c'était souvent donné au chef. Donc la première personne avait le droit à ses parties goûteuses, entre guillemets, puis le reste de la population avait le droit au reste, aux jambes, aux bras. Voilà. Et puis les anthropologues ont défini deux catégories de cannibalisme. Donc l'endocannibalisme, c'est le fait de manger des personnes d'une même groupe. Les mangeurs font partie du même groupe que les mangeurs. Mm-hmm. Donc, par contre, il y a des règles dans ces groupes, dans l'endocannibalisme. Par exemple, on ne peut pas manger quelqu'un avec qui il est interdit de se reproduire. Mm-hmm. Donc, un père ne peut pas manger sa fille et vice-versa, par exemple. Puis, au début du siècle, en Nouvelle-Guinée, j'ai trouvé ça assez original aussi, il y a certaines personnes qui laissaient un testament de cannibale, entre guillemets. Donc, ils léguaient à certaines personnes certaines parties de leur corps. Ah, un tel, je t'offre ma jambe. C'est ça. C'est très ritualisé. Ouais, c'est en fait comme un cadeau, une offre. Un cadeau, exactement. C'est ça, exactement. Et donc, ça, c'est la première catégorie, l'endocannibalisme. Tu parlais d'une deuxième. Voilà. La deuxième catégorie, faite par les anthropologues, c'est celle de l'exocannibalisme. Donc, le fait de manger des personnes qui n'appartiennent pas à notre groupe. Et ça, c'est plus souvent dans le cas de cannibalisme de vengeance, de haine, de guerre. Mmh. Donc il y a plein de cas de cannibalisme différents, mais on dirait qu'il y a toujours un code, il y a toujours une façon de procéder. Tout à fait, c'est vraiment un phénomène culturel. D'ailleurs, sa prohibition aussi est culturelle parce que ça dépend des endroits, ça dépend des époques surtout. C'est ça, on arrive quand même plus à une uniformisation, mais ça dépend des cultures. Et parler de cannibalisme, ça soulève toujours en tout cas les passions, le dégoût en tout cas au Canada. Et il y a Freud qui disait, par exemple, que c'est un des trois tabous des sociétés occidentales, avec l'inceste et le parricide. Ouais. Mais ce n'est pas pareil partout. Puis, quand on en parle ici, donc il y a souvent des questions de morale qui s'imbriquent. Et je trouve ça toujours un peu dangereux, ce genre de débat, parce que, par exemple, ça a été utilisé, des exemples de cannibalisme dans certaines tribus ont été utilisés pour justifier le racisme et les théories ethniques. Lors du 19e siècle, par exemple, les anthropologues ont eu un grand débat sur est-ce que le cannibalisme dépend du degré d'évolution d'une société. C'est quand même un débat qui reste en suspens. Puis un autre exemple un peu morbide aussi, c'est que les nazis ont utilisé, lors de la Seconde Guerre mondiale, des cas de cannibalisme qui avaient été faits par des juifs, mais c'était des cas isolés, pour soutenir leur horreur envers ce peuple. C'est un peu une justification. Ouais, c'est un peu tordu, hein. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein, parce qu'en termes d'horreur, ils ne sont pas les mieux placés pour en parler. Voilà, donc c'est vraiment un problème que les anthropologues, au niveau du cannibalisme, ont débattu à pas mal de fois. C'est le programme lié aux utilisations de ces données pour faire des idéologies un peu dangereuses. Ouais. Et surtout que le cannibalisme, en fait, dans la nature, existe chez d'autres espèces. C'est un fait connu quand même. Il y a certains animaux qui sont cannibales. Ouais. Donc chez les insectes, par exemple, il y a un cannibalisme sexuel comme la mante religieuse. La mante, c'est vrai. Ou même Sa couple, elle mange son ex-conjoint. Voilà, c'est ça. La veuve noire, c'est une femelle araignée aussi, fait pareil. Lorsqu'elle s'accouple, elle mange après le mâle. Puis il y a aussi chez les animaux du cannibalisme de survie, comme chez les humains. Les têtards, en général, sont herbivores, mais dans certains cas, ils deviennent cannibales quand ils n'ont rien d'autre à manger. Mm-hmm. Puis, au niveau du règne animal, le cannibalisme sert aussi à faire de la régulation des espèces. Par exemple, chez les rongeurs, la femelle, donc une fois qu'elle a accouché, elle mange le cordon ombilical jusqu'au nombril du petit. Puis, quand elle le mord, si le petit ne réagit pas, elle le mange. En entier. Ouais. Ça permet, voilà, en entier, parce que ça permet d'éliminer les plus faibles et de... Ouais. Elle reprend des forces aussi pour pouvoir s'occuper mieux de ses petits. De l'autre, ouais. Puis ouais. Chez la reine fourmi, c'est pareil. Mm-hmm. Souvent, quand elle installe une nouvelle fourmilière, elle mange ses premiers œufs. Mm-hmm. Comme ça, ça lui permet d'avoir de la force pour après être plus efficace, entre guillemets. Donc là, le cannibalisme, c'est comme s'il avait un effet régulateur chez les animaux. Mm-hmm. Et juste une dernière question pour revenir aux humains. Est-ce qu'il y aurait des cannibales parmi nous ? Est-ce qu'il y a des cannibales dans la salle ? Alors, dans la salle, j'espère pas. Mais il y a des théories un peu farfelues qui soutiennent qu'avec l'augmentation de la population, le cannibalisme risque de ressurgir fortement, puis que ça pourrait être une des solutions pour nourrir la planète. C'est un peu fou. Ouais, c'est ça. Martin Monessier, donc, dans le livre que je parlais au début, émet l'hypothèse d'un cannibalisme industriel. Il va même jusque-là. La solution... En tout cas, c'est un peu fou. Mais en tout cas, dans les dernières années, il y a eu des cas de cannibalisme. Il y en a toujours. C'est juste pour signaler que ce n'est pas disparu totalement. Il y a eu même des clubs de cannibales en France en 1978. Donc il y a eu 10 membres d'un comité international d'anthropophagie pratique qui ont été arrêtés. Mm-hmm. Puis eux, c'est ça, ils voulaient réhabiliter le cannibalisme carrément. Ah oui. Ils voulaient que ça se réinstaure. Puis aux États-Unis, c'est comme une secte finalement. Ouais, hein. Je veux dire, dans nos pays, à nous, ça apparaît comme une secte. Puis c'était très codifié par des rituels. Ouais. Ça ressemble à ça. Puis aux États-Unis, pareil, en 1997, le FBI a fait fermer un site internet qui vantait cette pratique, puis qui montrait des photos, puis... En tout cas, voilà. Puis ces derniers jours, c'est fou, ces derniers jours, donc le 13 avril, dans le Soleil, ouais. Il y a eu pareil un article sur 3 Brésiliens qui viennent d'être accusés d'avoir tué et mangé au moins 2 fillettes. Donc 2 filles, je ne sais pas quel âge elles avaient. Mais bon, de là à dire qu'il y a une résurgence, c'est un peu difficile à dire. Oui, ça peut être oui. Pathologique un peu, ça peut être des cas de tueurs en série. Oui, c'est ça. Des fois, c'est dans nos sociétés à nous, des fois, c'est un peu pathologique. Voilà. Il y avait un cas en Allemagne, je pense que François en parlait tout à l'heure. Il y a plein de cas dans l'histoire. Il y avait des cas. Il l'avait rencontré sur Internet, puis il l'avait fait venir, il l'avait mangé. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a différentes formes de cannibalisme. Il faut bien distinguer, c'est ça, le rituel, le culturel, puis le fou. Le pathologique. Mais le cannibalisme, en fait, dans une espèce, il me semble que ce n'est pas bon pour la santé d'une espèce, parce que c'est un vecteur de transmission de maladies, non? Oui, c'est pour ça aussi que, justement, il y a des tribus qui mangeaient seulement des gens extérieurs à leur tribu. Ah! Pour pas... Okay. Pour pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. OK. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais assez troublant. Troublant, voilà, c'est ça, exactement, je cherchais le mot. Donc, merci beaucoup, merci. Clémence. On va continuer à réfléchir à cette question troublante. Précise que je n'ai pas pu goûter. T'as pas essayé la recette pour nous? Non. Donc, on va continuer à réfléchir à cette question troublante du cannibalisme sur fond musical, tout en écoutant donc une pièce que François va nous choisir. Et vous êtes toujours à l'écoute de CKRL au 89.1.